Salut. Pourquoi t'es venu ici? Vous écoutez Fadjet sur 94.2. Tout va bien. Sache que ce n'était pas ta faute. Ça ira mieux demain. L'émission! Parce que les séries de demain commencent aujourd'hui. Accompagnez-moi. Notre univers est au bord du précipice. Soyez à mes côtés. J'ai un travail à accomplir, alors je le fais. Je sens que je vais me plaire ici. Bienvenue au palais. Ça ira mieux demain. L'émission! Fadjet. Benoît ? Oui, oui, je suis là. Oui. Dans quelques instants, notre parloir va s'ouvrir sur une série des années 90 que j'ai souhaité remettre au goût du jour, vous évoquant cette reprise de cette série des années 90 que Netflix vient de reproduire. Il s'agit bien sûr d'Hartley, cœur à vif. Nous y revenons dans un peu moins de 10 minutes maintenant. Avant cela, une fois n'est pas coutume, nous allons commencer, et comme je suis un peu à distance, par évoquer notre palais de ce soir, qui n'est pas une nouveauté en quelque sorte, mais si vous voulez que je vous raconte un petit peu ma vie, comme le fait souvent Laurent et comme j'ai aussi l'habitude de le faire très souvent, en regardant un petit peu... Oui, Laurent. Non, je rigole parce que... C'est vrai que j'ai tendance à raconter un peu, c'est un peu hashtag ma vie. Chose que je ne fais pas sur les réseaux sociaux parce que voilà, il y a peu d'intérêt. Mais, mais à la radio, c'est beaucoup mieux. Oui, donc au hasard de mon zapping, je suis tombé il y a quelque temps maintenant sur Canal+. Je suis tombé sur un chanteur que je ne mémorisais pas au début qui il était, qui chantait la chanson des Pet Shop Boys, It's a Sin. Et je suis donc resté un peu captivé, puisque ça évoquait pour moi bien toutes les années, la fin des années 80. À l'époque, on était en 1986, et les Pet Shop Boys inondaient le monde avec ce titre, It's a Sin. Alors, en continuant de... Oui. Non, je voulais juste te dire que, puisqu'on parle des Pet Shop Boys... La semaine dernière, dans Ça ira mieux demain, tu as mis en avant le nouveau titre de Mylène Farmer et on a parlé de la belle époque des maxi 45 tours. Et les Pet Shop Boys, eux, ils sortaient leur single qui durait 3 minutes et quelques, 4 minutes. Et quand apparaissaient les maxi, c'était véritablement des maxi. Effectivement. Et It's a Sin était chanté donc en version classique dans un pub, dans un bar. Et en continuant de regarder cela, eh bien, je me suis rendu compte que c'était une série. La série portait le même nom que le titre des Pet Shop Boys et que cette série s'appelait It's a Sin. C'est une série anglaise en 5 épisodes qui raconte les aventures de 5 jeunes dans le Londres des années 1981, donc 6 ans avant la sortie de la chanson des Pet Shop Boys. C'est ça qui est assez drôle d'ailleurs, parce que quand on entend cette chanson chantée par bien avant que les Pet Shop Boys la chantent eux-mêmes, donc ces 5 jeunes vont traverser la période dramatique que beaucoup ont connue, la période du sida. Et c'est une série qui aborde ce sujet-là d'une manière magistrale. Et ça m'a donné envie véritablement de regarder ces 5 épisodes. Si vous avez l'occasion d'aller sur Canal+, ou MyCanal, si vous êtes abonné, ou si vous avez l'opportunité de visionner ces 5 épisodes, ça passe très très vite. Il y a une très très belle ambiance. C'est bien sûr triste, mais aussi il y a beaucoup d'humour. Ça passe donc... En 1981, est le début d'une nouvelle décennie, Richie, Roscoe, Colin commencent une nouvelle vie à Londres. Ils ne se connaissaient pas encore, mais ces jeunes garçons et leurs meilleurs amis, Jean et Ash, vont bientôt partager leur quotidien, toutes leurs aventures. C'est une période particulièrement libératrice pour ces jeunes hommes gays qui n'avaient pas pu jusque-là s'assumer dans une société anglaise encore très homophobe. Là, c'est ce petit clin d'œil que je voulais vous faire avant de vous diffuser la chanson du jour. Bon, on est venu là, et c'est pour ça que j'ai eu envie de vous faire réécouter cette chanson de Pet Shop Boys, It's a Sin, dans une version remix. Alors, je l'ai dit, hein, ça ne se fait plus, et eux, du côté des maxi, c'était quelque chose. Alors, il y a certains artistes qui s'y sont mis. Alors là, pour la première fois, j'ai été un peu critique pour bien vendre le titre. Du côté des Modern Talking, comme le succès a été inattendu et assez fulgurant, il y a certains maxi qui étaient vraiment faits pour au plus vite et vendre les maxi 45 tours au plus vite. On a l'impression que voilà, c'était fait assez rapidement et on ne se prenait pas trop la tête. Par contre, quand on écoute un maxi des Pet Shop, on se dit, bah les mecs, ils se sont dit, on va faire un maxi, on va prendre notre temps et on va sortir cette version. Benoît, vous aimez les séries qui seront tournées demain? Restez jusqu'à la fin de Ça ira mieux demain. n'hésitez pas. Votre correspondant va vous répondre. Donc là, ça sonne occupé. Donc là, j'ai de nouveau perdu Benoît. Je ne sais pas ce qu'il a fait avec le téléphone. Donc je le déconnecte du standard et je vais attendre qu'il me rappelle pour le récupérer. À l'instant, dans Ça ira mieux demain, c'était donc les Pet Shop Boys avec leur fameux titre It's a Scene. Normalement, on doit retrouver Benoît au téléphone. Et non, ça ne fonctionne pas. Donc, je vais donc lancer le sujet qui devait suivre, c'est-à-dire le fameux sujet sur Hartley, cœur à vif. Et une fois que Benoît, on l'aura récupéré, il pourra nous faire l'intro qu'il aurait voulu avoir pour son document. Ça ira mieux demain. L'émission. She gave you everything she had, but she was young and dumb. She just turned 21. She didn't care to hang around. So when the shit came down, while she was nowhere to be found, this life can turn a good girl bad. She was the sweetest thing that you had ever seen. You're such a Demandez à un quadra si les prénoms Nick, Jody, Costa, Katrina, Anita et Drazik lui disent quelque chose. Il vous racontera sans doute, nostalgique, le jour où il a tenté de devenir skater ou de convaincre ses parents de le laisser se percer l'arcade sourcilière pour ressembler aux ados d'Hartley cœur à vif. Depuis la mi-septembre, Netflix nous propose Hartley cœur à vif, Heartbreak High, la version 2022 de la série des années 90. We're right behind you, go baby, go go. Yeah, we're looking at you, go baby, go go. Oh, we're right behind you, go baby, go baby. Yeah, après Beverly Hills et Gossip Girl, c'est donc au tour de cette série d'avoir son reboot. Célèbre série des années 90 qui se déroulait en Australie, Hartley cœur à vif était une série australienne diffusée à l'époque sur France 2 en France. Un teen drama, comme on les appelle, au bord de l'océan, dont les héros, jeunes et jolis, mais tourmentés, addicts, victimes de violences et de discriminations, traînaient leurs questionnements existentiels et leurs désirs entre la cour de leur lycée et le fameux bar du coin, le Shark Pool. Un énorme succès international de 1994 à 1999 est diffusé vers 17h20 sur France 2 pour les ados qui sortaient de cours et rentraient chez eux pour se mettre à temps devant la télévision. Carpool officiellement ouvert. Je peux savoir à quoi tu joues? Pourquoi est-ce que tu m'as menti? De quoi est-ce que tu parles? Mais comment ça, de quoi je parle? Je t'ai vu avec ce mec, alors arrête de raconter des bobards, c'est pénible. Oh, Drazik, je savais pas comment te le dire et je voulais pas te faire plus de mal que je t'en avais déjà fait. Tu voulais pas me faire de mal? Comment t'as pu nous faire ça à nous, Anita? T'as disjoncté, tu sais plus où t'en es. Non, c'est faux, Drazik. Je sais que j'ai raison, je le sais. T'as pas conscience de la réalité. Pour ce reboot, l'histoire se déroule aussi en Australie et dans la même école. Mais ne vous attendez pas à voir Drazik, Nick, Anita, Katrina, Daniel, et Charlie ou les autres, ou même Ryan. En revanche, tout comme dans la série originale, les élèves vont vivre de nombreuses aventures rythmées sur les histoires d'amour, de sexe et des potins du coin. Pour cette nouvelle aventure, en 2022, la série Hartley Cœur à Vif débute par la carte de l'inceste, qui a été inventé par Emery, joué par Hesham Haddon. Il s'agit d'un tag qui a été fait sur l'un des murs de l'établissement scolaire. Sur ce graffiti, toutes les relations intimes et parfois secrètes des élèves y ont été inscrites. Quand cette carte de l'inceste est révélée au grand jour, Emery est victime de représailles de la part de ses camarades et sa réputation prend un sacré coup. Dans cette ambiance électrique, elle pourra tout de même compter sur ses amis, Quinn et Darren. Ma meilleure amie m'a laissé tomber! Je suis un déchet! J'ai un vagin avec des lèvres pulpeuses! Hé, viens voir, il y a une carte de cul complètement ouf dans l'ancienne cage d'escalier! La carte de l'inceste. Ça veut dire quoi, cette merde? Pour expliquer qui était sorti avec qui dans l'année et ce qu'ils avaient fait. Branlette? Trop molle? Je crois que je peux comprendre, je simule quand on me lèche le cul. Vos noms figurent sur la carte qui a été dessinée dans la cage d'escalier. Un cours d'éducation sexuelle tutoriel. C'est de la sexquestration. On se bouffe! Vous avez fait ça avec qui? Avec votre complice habituel, Harper? Notre amitié était presque parfaite. Et d'un coup, elle explose et il reste plus rien. Écoute, on n'en peut plus de toi. Tu fais rompre les gens, tu les dénonces. C'est pas une raison pour me jeter. Oui, je t'ai couvert. Tout le monde me déteste. Hé, hey, Amri, grosse pouffe à la carte. Va te faire foutre. On ne déteste pas. T'es nickel là, il faut juste que tu te fasses un peu belle. C'est une blague, c'est ça? Non, je suis plus drôle que ça. Compte à quel point tout ça n'a aucun sens. Tu ressembles à une des meufs dépressives de Real Housewives. Oublie cette connasse et allons-y. Mais où est-ce que t'étais passé? Tu rentres immédiatement. Bonne nuit. Forcément, cette nouvelle version de Hartley Cœur à Vivre est dans l'air du temps. On ne retrouve pas forcément l'ambiance de la série des années 90, mais les thèmes abordés il y a 20 ans le sont aussi sous un angle bien sûr plus moderne et à la mode d'une autre série du moment et aussi sur Netflix, Sex Education. It's no ordinary world, you're unique in every way, always in the sun. A stranger love to hold yourself above another. Just 'cause you're beautiful don't make you better than the other. When you look at me, does it make you smile? But tell me, do you see? See past me all the while. I can't think of a stranger. La série part sur un constat. La rupture amicale entre Emery et Harper, deux jeunes filles inséparables depuis l'enfance, qui subitement se tournent le dos sans qu'Emery se doute de la raison. C'est autour de ce mystère que gravitent bon nombre de personnages, plus typés les uns que les autres. On est donc vraiment dans des clichés à outrance, peut-être encore plus que dans Sex Education. La série donne lieu à débat entre certains trouvant que derrière leur coup d'éclat, leur style excentrique et leurs revendications bruyantes, ces ados sont crédibles, contrastés. La série montre ainsi leur timidité, leur colère mal gérée, leur surexcitation sexuelle et leur maladresse quand ils passent à l'acte. D'autres, beaucoup moins, en fustigeant l'image détestable que l'on donne à la jeunesse d'aujourd'hui. Downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making my way through the crowd. And I need you, and I miss you, and now I wonder if I could to the sky. Do you think time went past me by? 'Cause you know I'd walk 1,000 miles if I can just see you tonight. Personnellement, je trouve qu'un peu de normalité dans la série n'aurait pas fait de mal. Mais comme je ne suis pas dans le cœur de cible, je préfère vous laisser votre propre opinion. Une chose est sûre, comme l'original, dans les années 90, qui brillait déjà par sa bande-son, notamment rappelez-vous INXS, Silverchair et d'autres groupes australiens connus ou moins connus, la nouvelle version 2022 n'est pas en reste. Alcohol, I'm alive. Allô, Benoît ? Oui. Oui, donc... Oui, mais c'est pas fini, mais bon, tant pis, alors. Bah, je sais pas, hein, comme je t'envoie des messages, j'ai pas de réponse, donc j'ai tenté, hein, en direct. Bah si, j'ai répondu, mais bon... Bah, ah non, j'ai pas de réponse. Donc je laisse ? Bah laisse, oui, on va déborder un tout petit poil, il reste 2 minutes, hein, mais... Oui. Ok. Et puis, voilà. Même si l'on regrettera l'absence de vrai générique. Allez, pour le plaisir, on se remet un bout du générique original. Autre petit regret, mais là c'est le fan de la génération précédente qui parle, on aurait bien aimé le retour de l'un des personnages de la version 90. Un peu comme dans 90-210 Beverly Hills Nouvelle Génération, où on a pu revoir Kelly ou encore Donna. Donna, pour ceux qui étaient sur TF1, en cette fin septembre, vous aurez pu la retrouver dans Mazinger et sous les traits du chat. 8 épisodes qui passent donc très vite et qui seront sans doute suivis par une autre saison sur Netflix, bien sûr. Allez, gardons l'œil bien ouvert devant notre télévision, car Hartley, cœur à vif, est peut-être là pour de nombreuses saisons. Voilà. Voilà, c'était Hartley, cœur à vif, version 2022 avec Netflix. Merci pour ça ira mieux demain à l'émission en version duplex. Merci à Laurent d'avoir œuvré comme il a pu, malgré les petits problèmes techniques. Mais voilà, je le remercie. Et puis on se retrouve, j'espère, hein, la semaine prochaine en vrai direct dans les studios. Parce que là, j'en ai un peu marre de rester enfermé. Oui, et moi je vais réviser mes connexions téléphone. Oui, mais j'ai l'impression que voilà, tu ne peux pas lire mes SMS que j'envoie en même temps que mon téléphone est en ligne, j'ai l'impression. Bah oui, parce que là, j'ai toujours pas de réponse, donc c'est pour ça qu'il y a eu un petit flou. Donc on s'excuse des problèmes techniques et du débordement, on vous souhaite un bon week-end. Mais c'est ça le direct, et je vous retrouve avec ma voix de canard dans 25 minutes pour le Hot 40. Allez, bon week-end. Bye bye. Week-end, bye bye.